Chapitre 31e. Un tremblement de terre et ses suites. Depuis le jour où Arcadius l'avait nommée Augusta, jamais Eudoxia n'avait vu se coucher le soleil avec un plus grand bonheur. C'étaient ces deux jours de grand triomphe. Elle avait remporté le premier sur le mal qui lui barrait le chemin, le second sur le bien qui lui faisait obstacle. Chrysostome était éloigné, et d'une façon si douce, si bénigne, que Doxia eut envie de s'imaginer qu'elle avait fait une bonne action. C'était pour ce vieillard maladif un bienfait que de le dérober à ses ennemis en le rendant aux joies de la vie solitaire. Avec ce même raisonnement, elle apaisa la conscience troublée de l'empereur. Eugraphia et Marsa n'étaient nullement contentes de cette demi-mesure. Selon elles, la déposition devait avoir pour corollaire l'exil. Ce n'était qu'en l'envoyant au Caucase ou dans les déserts de la Libye qu'on pouvait étouffer toute prétention de réinstallation. Le mécontentement de ses conseillères plaisait à Eudoxia. C'était un témoignage en faveur de sa douceur. Gunhilde avait passé la journée auprès d'Olympia. Avec elle et comme elle, la jeune néophyte avait cherché à consoler les affligés, à calmer ceux qui étaient irrités, ceux qui perdaient dans le patriarche l'appui de leur foi et le soutien de leur existence matérielle et qui maintenant recouraient en foule à Olympia, cette consolatrice des souffrances. Bien que le coup qui frappait l'église atteignît Olympia au cœur, elle conserva son courage en face du désespoir du peuple. Elle chercha à élever les cœurs abattus et irrités au-dessus de la sphère des événements incertains pour les porter vers l'éternel gouverneur des destinées humaines. Sa compassion, ses conseils, ses secours trouvèrent tant d'occasions de se prodiguer qu'elle eut à peine le loisir de ressentir sa peine personnelle. Gunhilde éprouvait un vif chagrin, et le sentait doublement, pour Olympia et pour elle-même. Elle n'était pas encore habituée à la souffrance. Elle connaissait bien la peine personnelle et le chagrin autant qu'il la touchait elle-même, mais non cette souffrance qui s'unit intimement à celle de la croix. C'est ce qu'elle allait apprendre. Elle allait devenir une fille de la croix, et d'une âme paisible et calme dans sa foi, elle allait voir comment les mensonges des pharisiens avaient crucifié la justice. Quand la nouvelle de la déportation du patriarche arriva, Gunhilde poussa un cri sombre. « C'est fini, » dit Olympia. « Adieu, » fit Gunhilde en se jetant dans ses bras. « Je pars, mais pour revenir demeurer auprès de vous. Je ne puis rester plus longtemps où le mensonge est protégé. » « Que l'amour éternel conduise votre cœur et vos pas, » répondit Olympia. Aussitôt que l'impératrice sut que Gunhilde était de retour, elle la fit appeler, se montra très amicale, se félicita de la conclusion amiable des différends qui avaient troublé l'église jusqu'alors, loua la sagesse de l'évêque Sévérian, la piété de l'archiprêtre Arzas, admira la haute pénétration de l'empereur, et finit par demander à Gunhilde, qu'elle espérait avoir, sinon convaincue, au moins éblouie, ce qu'elle avait entendu dire des événements de la journée. « Je n'ai entendu que des gémissements et des plaintes, » répondit la jeune fille. « Quelle déraison, » fit Doxia. « Mais vous, vous pensez autrement ?» Gunhilde se tut et s'inclina profondément. « Est-ce une manière de marquer votre assentiment ?» demanda Eudoxia. « C'est une manière muette de demander à ne pas répondre. « Ingrate, qui m'attristait, inintelligente, qui me méconnaissait !» s'écria l'impératrice courroucée. « Mais je suis curieuse de savoir quelle pensée vous entretenez contre moi dans votre tête indocile. Parlez !» Je ne pense qu'à cette parole que le Seigneur prononça au moment où ses ennemis le chargèrent de liens et l'emmenèrent. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Vous me mettez au rang des déicides, fit l'impératrice avec un sourire amer. Alors je suis une mauvaise compagnie pour vous. Vous pouvez vous éloigner. Eudoxia resta seule. N'aurai-je donc jamais un jour de joie parfaite? Se demanda-t-elle avec agitation. « Faut-il qu'une main soit toujours prête à jeter l'amertume dans la coupe où j'espérais trouver un doux soulagement ?»« Gunhilde est folle !»« Je serai sous l'empire des puissances ténébreuses. J'agirai sous leur influence. Tandis que je les domine toutes, les bonnes comme les mauvaises. » Alors, il lui sembla entendre une voix très faible, mais très intelligible, qui lui disait « Toutes, même celles qui sont en toi ?» Sa conscience, qui lui servait d'interlocutrice secrète et confidentielle, lui répondit « Non ». « Mais quelle créature humaine pourrait répondre « Oui »?» Et elle se tranquillisa avec cette réplique. Au lieu d'élever ses regards et de tourner sa volonté vers un idéal élevé, elle se rejetait sur l'imperfection humaine pour se justifier. La soirée était avancée. Avant de se mettre au lit, Eudoxia voulut rafraîchir son cœur. Elle alla voir ses enfants. Ils étaient endormis depuis longtemps. Mais auprès de chacun d'eux, une servante passait la nuit avec une lampe allumée. L'impératrice s'arrêta longtemps auprès de son fils âgé de 4 ans, auquel tout souriait à l'aurore d'une vie qui devait le faire asseoir 50 ans sur le trône des Césars. Plus longtemps encore auprès de sa seconde fille Pulchérie, la mieux douée de toute la famille, et qui, avec la beauté extérieure du grand Théodose, semblait déjà posséder en germe son esprit et son génie. Ensuite, elle fit une longue pause au lit de Flacilla, son aînée, dont la santé débile donnait toujours des craintes d'une mort prématurée. Enfin, elle se pencha au-dessus du berceau de ses 2 plus jeunes filles, Arcadia et Marina, et toute son ambition personnelle, tout son orgueil, tous ses grands plans de politique s'évanouirent quelques instants pour faire place aux tendres soucis qui absorbent le cœur d'une mère alors qu'elle cherche à soulever le voile qui enveloppe l'avenir de ses enfants. Arrivée dans sa chambre à coucher, elle se disposait à appeler les femmes qui la servaient, quand tout à coup un bruit semblable au roulement du tonnerre et au mugissement de la tempête la fit tressaillir. Elle écouta. Elle resta comme frappée d'immobilité, prêtant une oreille attentive et inquiète, et dans cet état, elle sentit que le sol chancelait sous ses pieds, et bientôt après, elle entendit pour la seconde fois gronder le tonnerre. Un tremblement de terre, s'écria Eudoxia effrayée. Au même instant, les dames de son service accoururent à elle en criant « Un tremblement de terre! Sauvez-vous! Sortons de la ville! Dieu l'a puni !»« Taisez-vous et calmez-vous !» fit Eudoxia d'un ton de commandement. « L'empereur donnera les ordres nécessaires. » En quittant sa chambre, elle trouva dans les appartements une partie de la cour troublée, désespérée. Cette désolation universelle lui rendit toute sa présence d'esprit. « Tranquillisez-vous, ce n'est qu'une légère secousse passagère, ce n'est point un tremblement de terre. » À peine achevait-elle ces mots que le mouvement d'oscillation recommença. L'empereur entra. Pâle d'effroi, il courut à Eudoxia et la serra dans ses bras. « Où sont les enfants ? » demanda-t-il. « Qu'on les porte en lieu de sûreté. » « Où peut être en sûreté par un tremblement de terre ?» lui souffla-t-elle à l'oreille. L'effroyable tempête bouleversa l'air de nouveau. Mais non, cette fois c'était autre chose. C'était d'effroyables cris humains qui allaient de plus en plus grossissants comme la vague en furie. Les appartements se remplirent. Toute la cour se serra autour du couple impérial. Des messagers apportèrent de terribles nouvelles. L'hebdomon s'écroulait. Un incendie éclatait au port. Les flots de la mer menaçaient d'envahir la ville basse. Le peuple était dans le désespoir. L'apparition d'Optatus, préfet de Constantinople, coupa court aux fausses nouvelles. Mais il en apporta une vraie qui n'était pas moins inquiétante. Le peuple était dans une grande agitation. Brusquement tiré de la muette douleur que lui causait l'éloignement du patriarche par le tremblement de terre, il y voyait un châtiment de Dieu. Une horrible et sanglante mêlée avait déjà mis aux mains, sur le port, le peuple de Constantinople, avec les matelots égyptiens et la populace dévouée à Théophile. Les prétoriens avaient dû employer la force pour comprimer le soulèvement. En ce moment, une foule immense, tumultueuse, se dirigeait sur le palais Constantin. Que faire ? Fallait-il une seconde fois faire marcher les prétoriens et étouffer l'insurrection dans le sang ? Pendant qu'Optatus faisait ce récit, la foule était arrivée jusque dans la première cour du palais et serait, dans son désespoir, allée plus loin si l'on avait fermé et gardé les portes. Le peuple repoussé se mit de plus belle à redemander Chrysostome et à menacer l'impératrice de la colère de Dieu. « Eudoxia le haïssait. Eudoxia l'a banni. Eudoxia est cause du tremblement de terre qui nous bouleverse. Rendez-nous notre Saint-Père, empereur Arcadius. Rappelez-le et soyez bénis avec vos enfants. Que la malédiction de Dieu tombe sur Eudoxia. » Eudoxia eut conservé son courage et sa fermeté s'il n'avait eu d'autre sujet d'effroi que le tremblement de terre. Mais le soulèvement du peuple, et surtout la portée que la foule agitée donnait à un événement naturel, était au-dessus de ses forces. Sa conscience inquiète lui donna de la crainte. elle n'osa pas envoyer les prétoriens contre le peuple. Et d'un autre côté, elle ne découvrait d'autre moyen de conjurer l'orage que de s'humilier. Elle se jeta aux pieds de l'empereur en versant un torrent de larmes, et au nom de son intérêt personnel et de la sécurité publique, elle le conjura instamment de rappeler le patriarche, comme si Arcadius n'eût pas été joyeux d'accéder à son désir. À peine l'empereur lui eut-il donné cette assurance que la nouvelle s'en répandit, prompte comme l'éclair, dans le palais, dans la cour, dans les rues et les places publiques. Toute la ville n'eut plus qu'une voix pour célébrer la pieuse, la bonne, la sage, l'heureuse impératrice. Avec la mobilité de son caractère, elle entra aussitôt dans les sentiments du peuple que, d'un seul mot, elle avait le don de rendre heureux jusqu'à l'exaltation et partagea ses sympathies pour le patriarche déposé. Elle lui écrivit de sa propre main, lui exprima dans les termes les plus vifs sa joie que l'empereur ait révoqué la sentence et le bonheur qu'elle avait de lui porter cette nouvelle. Mais où était-il ? L'équipage du bateau avait reçu l'ordre de le conduire jusqu'à la côte de Bithynie et arrivé là, de le mettre à terre. Le pilote avait suivi ponctuellement ses instructions et avait ensuite relâché à Nicomédie. Des centaines de barques, parmi lesquelles celle de l'impératrice montée par les plus habiles rameurs, volèrent vers les côtes de Bithynie. Les rivages d'Asie et d'Europe furent éclairés par des milliers de torches pour faciliter la recherche. Il était impossible qu'il fût loin de la mer. La nuit et son état maladif avaient dû retarder ses pas. Dans une charmante maison de campagne, bâtie sur le petit golfe de Nicomédie, vivait la sœur du diacre Sérapion. Elle y menait, avec son époux, une vie modeste et chrétiennement heureuse. Chrysostome le savait, mais il ne connaissait ni la bonne Charitone, ni son mari, ni la maison qu'ils habitaient. Le pilote lui ayant dit en mer qu'il devait le débarquer dans un endroit solitaire, pour ne pas éveiller trop fortement l'attention publique, soit à Nicomédie, soit dans une autre ville, Chrysostome avait répondu tranquillement « Faites ce qui vous a été ordonné ». Ainsi, le patriarche se trouva seul au bord de la mer, sous le ciel étoilé, pendant que le petit bâtiment qu'il avait amené, filant avec ses voiles blanches sur la surface de la mer, s'enfonçait jusqu'au fond de la baie, en traçant sur la plaine liquide un long sillon argenté. Un bouquet de platanes se dressait près de l'endroit où il avait pris terre. Le patriarche marcha dans la direction de ces arbres, espérant trouver sous leur feuillage un peu d'abri contre le froid de la nuit qu'il redoutait pour sa poitrine délabrée. Arrivé là, il reconnut que les platanes étaient au pied d'un coteau en pente douce, disposé en jardin, ce qui annonçait le voisinage d'une villa. Il gravit lentement la petite côte et arriva bientôt à une porte à laquelle il frappa. « Qui est là ?» À une heure aussi avancée. Un pèlerin qui demande asile pour la nuit. La porte s'ouvrit et Chrysostome entra. À peine le portier eut-il, à la lueur de sa petite lampe, jeté un regard sur lui, qu'il tomba à deux genoux. « Saint-Père, d'où venez-vous ? Que vous est-il arrivé ? Pouvez-vous me donner un lit pour cette nuit ? Je vous en serai très reconnaissant, » dit le patriarche amicalement. « Oh non, pas moi !» « Mon maître et ma maîtresse seront heureux de vous avoir pour hôte. Votre sainteté se trouve chez la sœur du diacre Sérapion, et c'est en lui portant un jour une lettre d'elle que je vous ai vue à Constantinople. » Chariton et son mari saluèrent le patriarche avec un sentiment de joie mêlé de tristesse. Chrysostome ne put que leur raconter très brièvement, en quelques mots, les événements qui avaient fait de lui un homme sans feu ni lieu, car ses forces étaient épuisées. Avec toute la tendresse d'une fille pleine d'affection, Chariton s'empressa d'offrir au patriarche tout ce dont il avait besoin pour se reposer et réparer ses forces. Et bientôt le silence de la nuit s'étendit sur cette paisible habitation. Le matin, on frappa de nouveau à la porte. Brison, un des chambellans de l'impératrice, et précisément celui auquel elle avait confié sa lettre, vint demander après le patriarche. Le portier, craignant quelque trahison, fit une réponse évasive. L'attention du chambellan n'en fut que plus attirée. Il demanda au nom de l'impératrice à parler au maître de la maison. Quelques instants après, des sons de voix joyeuses parvenant jusqu'aux oreilles du patriarche lui présageaient un heureux événement. « Sérapion m'aurait-il suivi ?» se demanda-t-il. Brison parut et lui présenta la lettre de Doxia qu'il lut avec un triste étonnement, car elle écrivait « Je prie votre sainteté d'être convaincu que je n'ai rien su de toutes ces attaques outrageuses et de ces intrigues détestables. je suis innocente de votre sang. Des hommes pervers ont tramé ce complot contre vous. Dieu est témoin des larmes que je lui offre en expiation. Jamais je n'oublierai que vos pieuses mains ont baptisé mes enfants. Je vous prie de revenir. » Chrysostome ne pouvait résister à cet appel. Les rameurs de l'impératrice rapportèrent en toute hâte la nouvelle que Chrysostome était trouvé et qu'il reprenait le chemin de Constantinople. Ce fut par toute la ville une immense explosion de joie. Cependant, l'évêque Sévérian, parti précipitamment de Chalcédoine, était monté en chaire à Sainte-Sophie. Dans une allocution passionnée, il essaya de faire comprendre que Chrysostome avait mérité sa déposition par son orgueil. Mais on l'interrompit par de vives dénégations. On pria Dieu à haute voix et avec larmes de ramener le patriarche, et quand enfin on apprit à Sainte-Sophie qu'il revenait, toute la basilique fut silencieuse et déserte en un instant. Tout le monde courut au-devant de lui. Le Bosphore fut couvert de barques. Au point où ses eaux se mêlent à celles de la Propontide, les embarcations étaient si nombreuses et si serrées l'une contre l'autre qu'on n'eût pu passer à pied d'Europe en Asie. Quand on aperçut le patriarche, ce petit homme, courbé, délicat, maladif, un long cri de joie s'échappa de toutes les poitrines. On voulut aussitôt le conduire dans la ville. Mais Chrysostome refusa de reprendre son siège immédiatement après un soulèvement populaire auquel on pouvait attribuer sa réintégration. Il débarqua à une villa de l'impératrice et demanda la réunion d'un concile régulier pour examiner les faits et débrouiller tout ce chaos. Aussitôt, Arcadius lui envoya un secrétaire chargé de lui faire connaître qu'il convoquait le concile demandé. Seulement, il priait le patriarche de ne pas différer sa rentrée, de crainte que le peuple ne doutât de la bonne volonté de l'empereur. Les évêques étrangers s'étaient réunis autour du patriarche. Accompagnés par ses nombreux prélats, escortés par le peuple qui portait des cierges allumés et chantait des hymnes d'allégresse, Chrysostome se rendit à l'église des apôtres et donna sa bénédiction à la foule. Mais non content de le voir, le peuple le retint. On voulait l'entendre. On aimait mieux l'écouter que d'assister au jeu qui se donnait au cirque en signe de réjouissance publique. Le patriarche dut se rendre au désir général. Il prononça quelques paroles. « Que Dieu soit loué » s'écria-t-il. « Je le disais en partant, je le dis en revenant. Je l'ai dit pendant mon absence, je le dirai toujours. » Quelque mobile et changeant que puissent être les événements, il n'arrive que par la permission de Dieu et en vue de ses dispositions providentielles. C'est pourquoi nous devons conserver toujours notre âme calme et tranquille et remercier sa providence paternelle. Voyez combien il a été bon pour nous tous au milieu de l'orage et de la tempête. L'ennemi qui voulait nous nuire nous a servis. Notre zèle en reçoit un nouveau feu. Notre amour brûle de plus vives ardeurs. On voulait me séparer de mes ouailles. Il s'attache à moi avec un redoublement de fidélité. On donne des jeux dans le cirque et personne n'y assiste. Tout le peuple accourt à l'église. C'est l'œuvre du Seigneur qui fait tourner la malice humaine à l'honneur de son pauvre serviteur. Élevez tous ensemble vos voix pour offrir à Dieu d'unanimes actions de grâce. Cette prière, ce témoignage de votre amour est pour moi plus glorieux qu'un diadème. Les saints apôtres, dont j'ai voulu avant tout visiter l'église, nous enseignent par leur exemple que la couronne éternelle est réservée à ceux qui souffrent. Tout le monde était enthousiasmé. On l'écoutait, on le regardait, on était comme suspendu à ses lèvres. Il possédait cet empire mystérieux, apanage des grandes âmes, qu'il reçut pour l'employer au profit de leur influence salutaire et que personne ne peut emprunter ni imiter. Ce charme secret, selon le milieu dans lequel il s'exerce, s'appelle génie chez les uns, grâce chez les autres. Pour les saints, les deux ne font qu'un. L'impératrice était rayonnante de joie et de contentement. L'empereur était heureux par reflet. Toute la cour était heureuse, à l'exception des ennemis déclarés de Chrysostome. Ceux-ci se tenaient en arrière et attendaient. Ni Eugraphia, ni Marsa, encore moins Eugénius, ne parurent au palais. Il me semble que je sors d'un mauvais rêve, troublé par d'horribles cabales, dit Eudoxia à Amantius. Dans ce rêve importun, qui m'a tenu sous son influence sinistre, je crains d'avoir été injuste envers vous, Amantius, et envers Gunilde. Je sais pourtant que vous m'êtes fidèle, et que vous avez pour moi les meilleurs sentiments, mais j'étais incapable de raisonner. Vous êtes si généreuse et si indulgente, répondit Amensius, que je ne puis résister au désir de vous faire une question. Est-il excusable pour un chrétien, pour celui qui gouverne la moitié du monde, de se laisser aveugler par la passion au point d'en devenir incapable de raisonnement et d'agir dans de telles dispositions d'esprit ? L'excuse ne vaut peut-être rien, mais je n'en ai pas d'autre, dit Eudoxia en riant. Et maintenant, allez chez le patriarche et dites-lui que j'ai versé des larmes brûlantes sur son exil, sur la désolation de l'église privée de son pasteur, et que je n'ai eu aucun repos. À présent que le bon pasteur est revenu à la tête de son troupeau, je suis tranquille pour la vie et pour la mort. » Pour Gunhild, nature droite et sincère, le caractère mobile et changeant de l'impératrice était comme une énigme impénétrable. Elle avait pitié d'une si grande faiblesse morale, et ce sentiment de compassion ne laissait place en son cœur qu'aux égards et au respect dû à la haute position d'Eudoxia. Gunhild n'était pas contente de sa place, et pourtant elle ne voyait pas clairement où elle en pouvait trouver une autre. Le mariage n'avait aucun charme pour elle, bien que l'impératrice lui ait fait plusieurs fois des offres fort brillantes. « Ce mot, il sera votre maître, me déplaît, » répondit-elle en refusant. Mais elle ne voulait pas davantage de la vie conjugale avec l'idée qu'elle serait le maître. Seulement, elle ne communiqua pas à l'impératrice sa manière de voir sur ce sujet. Eudoxia croyait donc que Gunhild, après son baptême, entrerait dans une communauté pieuse et se consacrerait au service de Dieu, soit comme Nicarété dans la vie contemplative, soit comme Olympia dans la vie active, mais peut-être aussi, à l'instar de beaucoup d'âmes saintes, dans un cloître de la Palestine. Mais Gunhild n'avait aucun plan. Quand le Saint-Sacrement de baptême m'aura purifié de mes péchés, quand j'aurai reçu les vertus divines de la foi, de l'espérance et de la charité, alors j'espère reconnaître clairement dans quelle voie je dois servir mon Sauveur. » Ainsi parla-t-elle à l'impératrice et à Olympia, qui toutes deux approuvèrent sa résolution. En voyant Eudoxia si bien disposée en faveur du patriarche, Gunhild fit comme Amensius. Elle essaya quelques représentations contre l'influence des ennemis de Chrysostome. « Ce n'est pas seulement pour lui, » ajouta-t-elle, « bien que ce soit un malheur indicible, que d'empêcher un semblable pasteur de conduire son troupeau dans les meilleurs pâturages. Mais c'est aussi pour vous, ma noble souveraine, parce que cela vous met en contact avec des gens animés des sentiments les plus vils, avec un Eugénius, par exemple, dont le nom ne devrait jamais être prononcé devant vous. » « Vous avez raison, Gunhild, » répondit Eudoxia. « Seulement, il est excessivement difficile de distinguer entre amis et ennemis de quel côté est la droiture des intentions, surtout quand on est porté à embrasser chaudement l'un des deux parties. » « Cela est-il impérial ?» demanda Gunhild avec douceur. « C'est humain, » répondit Eudoxia. « Du reste, pour ce qui est de Génius, je le ferai avec joie enfermé dans quelque cloître sévère, hors de Constantinople. » Si je n'avais pitié de la pauvre Eugraphia, elle l'aime comme son propre enfant. Elle conserve toujours les meilleures espérances pour lui. Au surplus, comme elle prend les intérêts du trône et de ma personne avec un dévouement absolu, je ne puis lui causer le chagrin de bannir ce malheureux Eugénius. Cependant, je ne veux à l'avenir recevoir de lui aucun service qui lui permette de m'approcher. C'est une résolution inébranlable. L'empereur avait le désir sincère d'amener une réconciliation durable avec Chrysostome. Il proposa à Eudoxia d'assister au sermon que le patriarche devait faire le lendemain dans l'église des apôtres. Cette démarche causerait au peuple une grande joie. Elle serait envers Chrysostome une sorte d'amende honorable qui le toucherait. Elle rassurerait les évêques étrangers, ses partisans fidèles, et enfin, elle ferait ouvrir les yeux à Théophile qui continuait à tenir son assemblée du chêne, et lui ferait comprendre que son complot a échoué. L'impératrice accepta la proposition avec joie. Elle tenait beaucoup à paraître très pieuse devant la grande masse des fidèles. Elle savait quel soutien trouve le trône dans la piété du souverain. Quand le souverain et le peuple se rencontrent dans les mêmes sentiments de foi pieuse et d'humble respect que le christianisme réclame pour ses maximes et pour son culte, sans distinction de l'empereur et du mendiant. Plus elle comprenait l'importance de cet avantage extérieur, plus elle voulait s'en assurer la jouissance. Ensuite, le désir de paraître aux yeux de ses enfants, et plus tard dans leurs souvenirs, avec cette auréole de piété que l'impératrice Facilla avait gardée dans la mémoire des siens, était le second mobile de Doxia. Seulement, elle ne prenait pas à cet effet la même voie que Flacilla. Celle-ci avait mené une vie sanctifiée par les pratiques de la piété la plus sincère. Eudoxia se parait des dehors de la piété dans les grandes circonstances, comme elle reportait un splendide diamant. L'impératrice parut donc avec Arcadius dans l'église des apôtres. Le mécontentement contre la cour était grand et général. On n'entendait parler que de son faste et de son luxe, de son injustice, de ses extorsions, de ses intrigues, de ses subornations. Quant aux actes honorables, aux faits qui donnent de la puissance à un empire, de la grandeur à un peuple, il n'en était pas question. Tous ceux qui avaient l'idée d'un meilleur état de choses et qui en désiraient l'établissement s'étaient attachés au patriarche parce qu'il leur semblait impossible que l'influence de cet esprit pur et élevé ne finît par prévaloir peu à peu sur les éléments contraires. Les classes inférieures de la société, le bas peuple, tenaient peut-être plus encore à Chrysostome. Ils trouvaient en lui un père aimant qui avait le même cœur pour tous ses enfants, riches ou pauvres, puissants ou misérables. Ils considéraient la déposition de Chrysostome comme une machination des grands, jaloux du dévouement que le peuple montrait au patriarche. Ils jetaient des regards pleins de défiance sur la cour et sur tout ce qui s'y rattachait. Chrysostome, toujours disposé à faire régner partout la paix qu'il portait dans son âme, ne parla des derniers événements que pour exalter avec reconnaissance la générosité du couple impérial et pour rappeler tout particulièrement l'intérêt que lui avait manifesté l'impératrice, car c'était la chose dont on doutait le plus. Il raconta toute la peine qu'elle s'était donnée pour le faire chercher, sa lettre de bienveillance, les félicitations qu'elle lui avait fait porter par Amoncius. Il fit remarquer que les souverains n'ont d'ordinaire d'aussi vif intérêt que pour les choses de la guerre et les affaires de l'État, et non pour celles de l'Église. Le peuple, enchanté de posséder de pareils souverains, une pareille impératrice, heureux d'entendre encore la voix du bien-aimé patriarche, se laissa aller à toutes les démonstrations de la joie la plus vive. C'était une jubilation sans fin. Eudoxia était rayonnante de contentement. Chrysostome ne profita de ses bonnes dispositions que pour demander à l'empereur à être jugé, ainsi que l'assemblée du chêne, par un concile régulier. L'empereur promit de le convoquer. Florus fut le messager qui recueillit toutes ces nouvelles et les porta à Chalcédoine. Théophile trembla de colère. La faiblesse d'esprit d'une femme alarmée par une faible commotion du sol anéantit tous nos plans, s'écria-t-il. Quelle misère que d'être obligé de traiter avec des femmes et de prendre leur visée en considération! Quelle pitié que de dépendre d'une femme! Les femmes en jupon ne sont pas toujours les plus dangereuses, vénérable père, dit Florus avec abandon. Il faut s'armer de patience et se remettre à l'œuvre sans découragement, comme l'araignée recommence 10 fois sa toile, 10 fois rompue. Ma présence ne peut être d'aucune utilité ni ici ni à Constantinople, dans les circonstances actuelles, reprit Théophile. Et comme elle est très nécessaire à Alexandrie, j'y retourne cette nuit même. Je vous prie d'en faire part à la noble Graphia. Elle comprendra que je ne puis paraître devant elle parce que je ne veux pas paraître à la cour. Peut-être lui sera-t-il possible, ainsi qu'à vous et à tous ceux qui partagent notre manière de voir sur Chrysostome, de trouver un nouveau moyen de remettre la question sur le tapis au nouveau concile. Occupez-vous de ces préparatifs et je serai tout prêt à vous seconder quand le moment sera venu. Théophile avait fait son entrée à Constantinople avec tout le faste et la pompe possible. Il partit inaperçu et humilié. Quelques évêques égyptiens l'accompagnèrent, d'autres le suivirent. L'assemblée du chêne s'évanouit dans l'ombre et le silence de la nuit. Seul l'évêque Sévérian, fort de la bienveillance de l'impératrice, osa se remontrer à Constantinople.